Bolondo et toi, Zombre, c'est fait pour venir tcha tcha. Et dans ton silhouette, et dans ses rythmes de l'orchestre. Bolondo et toi, Zombre, c'est fait pour venir tcha tcha. Et dans ton silhouette.